à Paris, ce lundi 11e juillet 1672. Ne parlons plus de mon voyage, ma pauvre bonne. Il y a si longtemps que nous ne faisons autre chose qu'enfin cela fatigue. C'est comme les longues maladies qui usent la douleur. Les longues espérances usent toute la joie. Vous aurez dépensé tout le plaisir de me voir en attendant. Quand j'arriverai, vous serez tout accoutumé à moi. J'étais obligé de rendre les derniers devoirs à ma tante. Il a fallu encore quelques jours au-delà. Enfin, voilà qui est fait. Je pars mercredi et vais coucher à Essonne ou à Melun. Je vais par la Bourgogne. Je ne m'arrêterai point à Dijon. Je ne pourrai pas refuser quelques jours en passant à quelques vieilles tantes que je n'aime guère. Je vous écrirai d'où je pourrai. Je ne puis marquer aucun jour. Le temps est divin. Il a plu comme pour le roi. Notre abbé est gai et content. La mousse est un peu effrayée de la grandeur du voyage, mais je lui donnerai du courage. Pour moi, je suis ravi. Et si vous en doutez, mandez-le-moi à Lyon, afin que je m'en retourne sur mes pas. Voilà, ma bonne, tout ce que je vous manderai. Votre lettre du troisième est un peu séchette, mais je ne m'en soucie guère. Vous me dites que je vous demande pourquoi vous avez ôté la porte. Si je l'ai fait, j'ai tort, car je le savais fort bien. Mais j'ai cru vous avoir demandé pourquoi vous ne m'en aviez point averti, car je fus tout étonné de le voir. Je suis fort aise que vous ne l'ayez plus. Vous savez que je vous en avais mandé. Monsieur de Coulanges vous parlera de votre lit d'ange. Pour moi, je veux vous louer de n'être point grosse et vous conjurer de ne la point devenir. Si ce malheur vous arrivait dans l'état où vous êtes de votre maladie, vous seriez maigre et laide pour jamais. Donnez-moi le plaisir de vous retrouver aussi bien que je vous ai donné et de pouvoir un peu trotter avec moi, où la fantaisie nous prendra d'aller. Monsieur de Grignan vous doit donner, et à moi, cette marque de sa complaisance. Ne croyez donc pas que vos belles actions ne soient pas remarquées. Les beaux procédés méritent toujours des louanges. Continuez, voilà tout. Vous me parlez de votre dauphin. Je vous plains de l'aimer si tendrement. Vous aurez beaucoup de douleurs et de chagrins à essuyer. Je n'aime que trop la petite de Grignan. Contre toutes mes résolutions, je l'ai donc ôtée de Livry. Elle est 100 fois mieux ici. Elle a commencé à me faire trouver que j'avais bien fait. Elle a eu, depuis mon retour, une très jolie petite vérole volante, dont elle n'a point été du tout malade. Ce que le petit Péquet a traité en 2 visites aurait fait un grand embarras s'il avait été à Livry. Vous me demanderez si je l'ai toujours vue. Je vous dirai que oui. Je ne l'ai point abandonnée. Je suis pour le mauvais air comme vous êtes pour les précipices. Il y a des gens avec qui je ne les crains pas. Enfin, je la laisse en parfaite santé au milieu de toutes sortes de secours. Madame Dupuy-du-Fou et Péquet la sèvreront à la fin d'août. Et comme la nourrice est une femme attachée à son ménage, à son mari, à ses enfants, à ses vendanges et à tout, Madame Dupuy-du-Fou m'a promis de me donner une femme pour en avoir soin, afin de donner la liberté à la nourrice de pouvoir s'en aller. Et la petite demeurera ici, avec cette femme qui aura l'œil à tout. Marie, que ma petite amie y connaît fort, la bonne mère Jeanne, qui fera toujours leur petit ménage, Monsieur de Coulanges et Madame de Sanzay, qui en auront un soin extrême. Et de cette sorte, nous en aurons l'esprit en repos. J'étais fort approuvé de l'avoir amenée ici. Livry n'est pas trop bon sans moi pour ces sortes de gens-là. Voilà qui est donc réglé. De Coulanges. Dans quelque lit que vous soyez couché, vous pouvez vous vanter que vous êtes couché dans un lit d'ange. C'est votre lit, madame. Votre lit, c'est un lit d'ange, de quelque manière qu'il soit retroussé. Mais je ne crois pas qu'il n'y ait que votre lit qui soit un lit d'ange. C'est un lit d'ange que celui de mon charmant marquis. Voilà un homme bien raisonnable et une pauvre femme bien contente. Celui de Monsieur de Coulanges n'est ppas tendu par les pieds. Il y a 5 fers en 5 sur le bois de lit, d'où pendent 5 rubans qui soutiennent en l'air les 3 grands rideaux et les 2 cantonnières. Les bonnes grâces sont retirées vers le chevet avec un ruban. Adieu, ma bonne. Monsieur de Grignan veut-il bien que je lui rende une visite dans son beau château? Pour une créature que j'aime passionnément.